référence. Arrêtez-moi, je me lance. Le CD, des fois, il me laisse. Gros, j'ai tellement de soucis que même mon cœur, il me lance. C'est que le rap, je kiffe ça. Je fais pas la petite star. Je suis en keep star. La vie, c'est réel. Crois pas que t'as plus star. Génération shoot star. Ça part à la gratte avec mon sang dans les écouteurs. Je suis passeur et buteur. Ils ont beau me faire des réputeux. Je leur rentre dedans comme un lutteur. I have a dream comme Martin Luther King. On fume mon drink, on écrit sur le parking. Les gens ils pètent un câble, chérie, je vis comme un pauvre. Mon cœur il est épave, je le retransmets, je fais des mauvais, ils sont mauvais. Parce que quand ils veulent faire des lovés, et que je fais des sons, I like mauvais. On a traîné dans la rue comme fraîche, on a caché les belins pour blèche. T'as vu ce rappeur à la dèche, mais regarde, maintenant il monte en flèche. Le poteau il revient du charbon, il me dit que c'est rêche, mais que ça la frappe. Le shit il me dépêche, je suis cramé dans l'Audi, je poste chez dans la Clio. Ils m'ont contrôlé parce que j'avais pas mis le clignot. Le petit ils grandissent, ils veulent finir pour prio. Ça veut contrôler la favela comme Zé Pequeño. Je crois que t'as pas capiche. Je vais peut-être finir ma vie vers une plage à Porchito. Et si je perds tout, j'irai chez les jaloux au pied de biche. Et ils pourront me mettre une fiche. T'inquiète pas ma biche. Laisse les streamer dans la triche. Toutes les années tu verras mon blaze en grave dans l'affiche. Et je m'en fiche. Ils savent que c'est chaud si je me fâche. Et que je pardonnerai pas si on me flèche. Je suis plutôt cash moi, je suis pas dans les clashs. Je peux très vite passer de riche à dèche ou de lever chez Akesh. Je veux pas qu'on sache où je crèche, où je crache. Depuis petit je mets du lacoste du Nike et je fais les mèches. Je veux qu'on me lâche. Encore si j'avais fait la pute, d'accord, mais moi personne je lèche. Avec personne tu de mèche, je suis pas du genre à blesser mon pote juste pour mettre mon zizou dans la plèche. 45S, Espagne, Playa, lunettes de ski, Panancha branche, je fais de l'avant. Les faux poteaux, c'est lassant, navrant, mais c'est rien ce qui te tue pas, te fait apprendre. Faut pas penser à se pendre, mais à surprendre. Et si un proche manque, c'est rien, prends sur toi. Issu de la classe moyenne, des fois c'était dur pour manger. Et dire qu'à l'école, j'avais jamais la moyenne. Jamais la moyenne, jamais la moyenne. Assez danger. J'ai mis les lunettes à néon. Les gens ils sont un peu moins francs. Quand ça parle d'euros, assez dangereux.